نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc notre sujet vis-à-vis des trésors du Coran, donc tourne autour des actes qui permettent l'entrée au paradis, ou les actes qui sont la cause de l'entrée au paradis, ainsi que les actes qui sont la cause de l'entrée en enfer. Et tout cela à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé ici donc pour un but qui est noble. Et ce but n'est autre que l'adoration. Il n'est autre que l'adoration exclusive. Le fait de vouer un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui associer quoi que ce soit. Donc le fait de lui vouer un culte pur, c'est le fait de l'adorer sans lui associer quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Dhariyat, le verset 56, « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, le savant du tafsir, donc le noble compagnon de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et savant du tafsir, a dit que pour qu'il m'unifie, illa liyuwahhidun. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné la vie, il ne nous a pas donné l'existence que pour qu'on lui voue un culte pur subhanahu wa ta'ala. Donc voici donc le sens réel et le seul but de notre existence. Certains savants du tafsir, donc les exégètes du Coran, ont dit que ce verset signifie je ne les ai créés que pour que les bienheureux parmi eux m'adorent et me désobéissent les malheureux. Donc ici c'est une irada qui sera donc shar'iyya. C'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a attrait à la législation. Et que la sagesse ici, et que l'existence donc des humains et des djinns est pour l'adoration d'Allah faite par les bienheureux. Que pour qu'ils m'adorent, on sait bien que sur cette terre, il y a énormément de gens qui n'adorent pas Allah. Pourtant Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et pourtant, al-waqi', donc l'actualité, la situation, ce que l'on connaît, donc ce qui est face à nous, on voit bien ici que beaucoup de personnes n'adorent pas Allah. Donc c'est pour ça que certains savants ont dit donc que pour les bienheureux parmi donc les créatures djinns et humains m'adorent. Donc les bienheureux parmi eux. Et cela aussi est démontré par un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa in yakfur biha haula'i فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Surat al-An'am, verset 89. Donc voici le verset à partir duquel s'appuient donc certains exégètes lorsqu'ils disent « Si ces autres-là n'y croient pas, Du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas, qui ne m'y croient pas. Donc cet avis a été rapporté par Ibn Jarir, rahmallah, de la part de Zayd ibn Aslam. De la part de Zayd ibn Aslam, rahmatullah alayhim, jami'a. Et d'autres savants ont dit que le sens de la parole d'Allah, illa liya'budun, et que pour qu'il m'adore, donc ce sens est que pour qu'il approuve ma divinité de force ou de gré. Que pour qu'il approuve ma divinité de force ou de gré. Et on va appeler cela el-irada el-kawniya. On va l'appeler el-irada el-kawniya. Donc la volonté de ce que Allah Azzajal a décidé. Fil-kawn. Donc dans cette création. Donc les gens vont adorer Allah de force ou de gré. Donc par le fait de dire qu'ils sont soumis à Allah, quoi qu'il en soit, ils sont soumis à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Ils ont besoin d'air pour respirer. Ils ont besoin de sang qui circule dans les veines pour pouvoir vivre. Et tout ce que vous pouvez imaginer de ce que les ont besoin les gens. Ils ont besoin de leur cœur, ils ont besoin de leur foie, ils ont besoin de leur rein. Sinon, sans ces membres-là, de façon générale, on ne vit pas ou on vit mal. Ils ne peuvent pas se passer de ce que Allah a décidé pour qu'ils puissent vivre. Donc, certains savants ont dit que cette adoration, donc il Ali Aboudoun, a trait avec l'irada, el-kawniya. Donc ici, il dit que pour qu'il approuve ma divinité de force ou de gré, car le croyant m'obéit par son choix. C'est un choix que tu as fait, une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr avec le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu sois musulman. C'est un choix de ta part et de son propre gré. Mais le mécréant est soumis au décret de son Seigneur, quoi qu'il en soit. Donc nous sommes tous égaux face à l'irada el-kawniya. Mais le fait que nous sommes donc soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis de la soumission à Allah azza wa jal face à la législation, ce sera une question de choix. Ou je crois ou je ne crois pas. J'ai décidé de croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a entré la foi dans mon cœur. Donc ici, donc le mécréant est soumis au décret de son Seigneur par obligation naturelle. Et cette parole est rapportée aussi par Ibn Jarir al-Tabari rahmoullah, de la part d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a choisi Ibn Jarir en s'appuyant sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا أَوْ كَرْهًا » Donc, et c'est à Allah que se prosterne, bon gré et malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, vous allez me dire, ici on voit que Ibn Jarir al-Tabari, rahmallah, a donné les deux donc, significations. Car dans le tafsir, des fois, on retrouve, des fois, même dans le même livre, plusieurs significations. Et à partir du moment où elles ne sont pas contradictoires, elles sont toutes acceptables. À partir du moment où elles ne sont pas contradictoires, elles sont toutes acceptables. Même si on peut retrouver des fois une qui sera donc plus probable que l'autre. À partir du moment où il n'y a pas de contradiction. Et on retrouve ça dans beaucoup de significations, comme Hablullah par exemple, où on va retrouver le Coran, où on va retrouver l'islam, où on va retrouver autre mot encore. Donc la prosternation, ici lorsque on voit ce verset et c'est Allah que se prosterne. Donc la prosternation et l'adoration sont toutes deux des actes d'humilité et de dévotion et de soumission pour Allah, Jalla wa Ala. Et ce verset démontre que certaines créatures le font de beau gré et d'autres de mal gré. Ils sont en vérité donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Mujahid rahmallah dit que pour, donc nous sommes avec une troisième ici parole de Mufassirin, que pour que je leur ordonne de m'adorer, et m'adore donc celui dont j'ai permis parmi mes serviteurs sans que je l'ai permis à d'autres. Donc vous voyez aussi toujours une explication de Illa li'abudun, que pour que je leur ordonne de m'adorer et m'adore donc celui dont j'ai permis parmi mes serviteurs, sans que je l'ai permis à d'autres. Donc il y a un bienfait d'Allah Azzawajal sur les uns envers les autres. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, dans son livre, donc Adwa al-Bayan, dit après avoir assemblé ces paroles, toutes ces paroles, après recherche de ces paroles, le sens, inshallah, de ce verset, donc, que je leur ordonne de m'adorer et que je le récompense à cela, je les teste par des responsabilités, puis je les récompense selon leurs actes. Donc ici, il y a le fait de l'adorer, il y a aussi le test. Il y a un ibtila. Donc c'est un test. Est-ce qu'ils vont m'adorer ou pas? Je les crée et je les teste. Vont-ils m'adorer ou pas? Donc s'ils sont bons, c'est un bien, et s'ils ne le sont pas, c'est un mal. Donc vis-à-vis des actes. Et plusieurs versets vont venir appuyer la parole de l'imam Ibn Qayyim rahmoullah. Lorsque, donc, on retrouve cela dans le commencement ou dans certains versets du début de Surat al-Hud. Donc, « Wa alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam thumma fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. » Donc, c'est lui qui a créé donc les cieux et la terre, donc en six jours, et son trône était ici sur l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et on retrouve dans l'autre verset, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il a créé tout cela, donc pour cela, il y aura ici donc une récompense. Et il montre pourquoi, après avoir créé, pourquoi il a créé. Donc Allah le montre ici. Il a commencé par créer. C'est une étape. Puis après cela, il démontre, subhanahu wa ta'ala, clairement la sagesse pour laquelle il a créé les cieux et la terre. Et il dit, liyabluakum ayyukum ahsanu amala. C'est le même verset, c'est la suite. Donc liyabluakum ayyukum ahsanu amala wa lin qultu innakum mab'uthuna min ba'd al-maut la yaqulunna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Donc sourate Hud verset 6. Afin d'éprouver, voilà ici donc le but. Allah Azzawajal a créé les cieux et la terre en six jours, son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Donc voici le but ici. Afin de prouver lequel de vous agit le mieux. Ahsanu amala. Ahsanu ici donc amala, le meilleur des actes. Et le meilleur des actes est bien sûr donc celui qui sera sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit donc Al-Fudayl ibn Iyad et d'autres savants encore. Elle dit aussi subhanahu wa ta'ala au début de Surat al-Mulk, donc dans Surat al-Hud, c'est verset 6. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il redit subhanahu wa ta'ala dans sourate la royauté verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est fait donc ou bien est le meilleur en œuvre et le meilleur en œuvre et le meilleur en œuvre. Donc voici ici que la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Ibrahim alayhi salatu wassalam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Donc certes, ma prière et mon immolation, nusuk si on veut parler du hajj, c'est à ce moment-là, dhabh, l'immolation si on veut parler de l'islam, donc c'est toute l'adoration, wa mahyaya wa mamati, et ma vie et ma mort. Donc ce que je fais dans toute ma vie, jusqu'à ma mort, et même ma mort, la shahada avant de mourir, mathalan, par exemple. Donc je meurs en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Et c'est pour cela que j'ai été donc, la sharika wa bidhalika umirtu, que j'ai été donc ici ordonné. Donc vous voyez que Allah a créé la vie et la mort, donc afin de d'éprouver les personnes, les humains, les djinns et les humains, qui d'entre eux feront les meilleures œuvres. Et on ne voit pas ici donc le plus d'œuvres. Le plus d'œuvres. Et les meilleures sont celles qui sont sincères, conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhrasuhu wa aswabuhu, comme l'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayhi. Elle dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Kahf, la Surat, donc Al-Kahf, la caverne. Inna ja'alna ma'al ardi zinata laha liyabluakum ayyuhum ahsan liyabluahum afwan ayyuhum ahsanu amala. Donc certes, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver. Donc tout ce qui est beau sur cette terre, tout ce qu'on peut ramasser comme joyau, et tout ce qui est utilisé sur cette terre pour l'embellir, tout ce qu'on peut construire à partir de ce qu'il y a sur cette terre, et qui a été, qui en vérité, donc, enjolivé les gens, ensorcelé même les gens, car ils leur font oublier ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, nous ordonne sur cette vie. Donc, pour embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Donc, vous voyez ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Il crée aussi, nous crée pour qu'on l'adore. Et il crée les cieux et la terre, et les embellit. Tout cela, en vérité, ne sont que des épreuves, justement, pour donc voir qui de nous réellement va adorer et qui de nous va désobéir. Allah Jalla wa Ala montre clairement, à travers ces versets, que la sagesse de la création est pour les éprouver. Donc, qui va œuvrer de la meilleure façon? Et le meilleur tafsir de cette parole, donc, est il y a Boudoun. Le meilleur tafsir des trois versets qu'on vient de voir auparavant, le fait qu'il a créé les cieux et la terre, donc le fait qu'il a créé aussi donc la vie et la mort, qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il a embelli cette terre, donc en vérité, le meilleur tafsir de ces versets-là, c'est il a li aboudoun. Tous ces versets vont revenir à cette parole que pour qu'il m'adore. Que pour qu'il m'adore. La récompense est selon l'acte. Al-jaza min jins al-amal, selon la nature de l'acte. La personne sera soit bien récompensée par sa dévotion et son obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit elle sera châtiée par sa mécréance et sa désobéissance envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa innahu يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yunus, verset 4, quant à ceux qui n'ont pas cru, donc ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Donc certes, il a donc débuté, subhanallah ta'ala, la création, puis la redonne une deuxième fois, c'est-à-dire après la mort, il ressuscite, subhanahu wa ta'ala, afin de récompenser qui? Alladina amanu wa amilus salihat, ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres, ceux qui ont cru et ont mis en application. Et la croyance ici, c'est donc al-ilm, al-nafi'. Comment tu vas croire? Tu ne vas croire que par science, par al-ilm, al-nafi'. Et tu vas mettre en application donc par al-amal, al-salih. Voici ici donc toute la religion, al-ilmu, al-nafi', wa al-amal, al-salih, qui est aussi retrouvée dans dinul haq wa al-huda. Hein? Al-huda wa din al-haq. N'est-ce pas que al-huda, la guidée, n'est faite que par donc la science. Et din al-haq, c'est par les œuvres. C'est par les œuvres. Donc lorsque vous entendez al-huda wa din al-haq, ou bien al-amal, al-salih, wa al-ilm al-nafi', donc en vérité, vous savez que tous ont en vérité la même signification. Ces trois éléments-là ont la même signification, c'est-à-dire connaître, donc apprendre et mettre en application. L'ilm, Hein? Qabla al-qawl wal-amal. Donc ici c'est l'ilm en vérité, et après il y a l'amal. C'est pour ça qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min nabiyyin illa wa lahu hawariyun wa ashab yaqtaduna bi amrihi wa yastanuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque envoyé, chaque prophète a des compagnons. Ils prennent de sa sunna, yastanuna bi sunnatihi. Donc comment? Par quoi? Par l'ilm, al-nafi'. Ils apprennent où est la sunna, comment est la sunna. Donc ça, c'est l'apprentissage. C'est l'ilm al-nafi'. Et ils font ce qu'ils ont été ordonnés. Donc c'est l'amal al-nafi'. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les prophètes ont des compagnons. Et donc celui, les compagnons du prophète et celui qui ont ces récompenses-là sont ceux qui apprennent et mettent en application. Vous voyez qu'on ne peut pas sortir de cela. On ne peut pas entrer dans al-huda wa din al-haq, dans al-ilm al-nafi' wa al-amal al-salih, dans al-iman al-ladina amanu wa amilu al-salihat que par le biais de l'apprentissage de la science et de la mise en application. Et vous voyez, le hadith, encore une fois, est venu prouver cela. Ce hadith est venu prouver cela. Donc, dans ce verset, quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Donc, c'est pour ça qu'on dit Al-jaza min jins al-amal. La récompense est selon la nature de l'acte. Dans Sourate Yunus, verset 4. Et il dit aussi dans Sourate Najm, Subhanahu wa ta'ala, ولله ما في السماوات والأرض ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Et à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Donc, Sourate Najm, verset 31. Donc, la récompense est selon l'œuvre. Mais comment œuvrer? Et où trouve-t-on comment œuvrer? Il faut savoir maintenant comment œuvrer. Combien de personnes œuvrent? Chaque musulman, qu'elle fasse partie de telle ou telle ou telle secte, œuvre. Tout le monde œuvre. Mais maintenant, comment œuvrer? Et comment arriver à œuvrer comme il le faut? Et où trouver cela? Donc, on va trouver cela, bien sûr, à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de ceux qui ont compris. Donc, bien sûr, les compagnons du prophète à leur tête, et ceux qui les suivent à la perfection. Donc, ce trésor qui est descendu de la part d'Allah Azzawajal, donc en l'occurrence pour nous, sur le sujet, c'est bien donc le Coran, car nous sommes avec les trésors du Coran. Donc, ce trésor qui est descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce mot, descente, hein, donc nuzul, nazal al-kitab, tanzilan ila akhirih, tous les mots que l'on retrouve par rapport au fait qu'Allah Azzawajal a descendu, donc ce Saint-Coran, a été mentionné énormément. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne près de 200 fois dans le Coran comme quoi il a descendu du livre, que ce soit par nazala, tanzilan ila akhirih, tous les mots qui ont à voir au fait qu'Allah Azzawajal a descendu, quoi, le Coran. Et cela, min bab al-fayda, ça prouve quoi? Qu'Allah Azzawajal fi sama. Ça prouve qu'Allah Azzawajal, il est fils sama, parce que la descente ne vient que du haut, ne vient que de ce qui est au-dessus. Donc ça a été mentionné près de 200 fois. Il nous annonce qu'il a été descendu donc de sa part, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, comme dans Sourate Al-Furqan, donc wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Certes, donc ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Et là, ici, il est taoukid. C'est pour appuyer, certes. Donc, il a bien été descendu de la part du Seigneur des mondes. Là, c'est pour montrer qu'il vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Et des fois, Allah Azzawajal utilise le mot qu'il a été descendu afin de montrer aussi autre chose que c'est de sa part. Comme par exemple, il montre ici la raison pour laquelle ce Coran est descendu. Donc, il est descendu afin que l'on suive, par exemple, ses ordres et ses enseignements. Allah dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ dans sourate Luqman, verset 21. Lorsqu'on leur dit, suivez ce que Allah a descendu, suivez, donc mettez en œuvre, mettez en application, pratiquez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Donc ici on a quoi? Le fait qu'il faut suivre. Il faut qu'il y ait un suivi. Suivi de quel suivi? Le suivi justement de ceux qui ont compris. Le suivi justement de ceux qui ont compris. Et on retrouve bien sûr donc énormément de versets qui montrent cela. Par le fait de connaître Allah Azza wa Jal, par le fait de juger hein, à travers ce livre. Donc je jugeais par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre encore, hein, afin de le lire. Donc, c'est-à-dire de le lire, c'est-à-dire de le comprendre petit à petit. Comme l'ont fait les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum. Ils ne se sont pas pressés, ils ont appris un peu de versets, ils ont mis en application, ils ont compris, ils ont mis en application, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, notre sujet tourne autour donc, des causes de l'entrée du paradis et de celles de l'entrée en enfer. Donc, nous allons commencer par l'entrée au paradis. Nous allons commencer par l'entrée au paradis. Et qu'est-ce que le paradis? Donc, de façon succincte, en résumé, donc le paradis est une création parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est la dernière demeure donc, de l'homme, et aussi du djinn, bien sûr, pour le croyant, parmi les hommes et parmi les djinns. Les djinns. On récompense en cela par ses œuvres. Par ses œuvres. Ses œuvres, en réalité, sont le moyen qui permettent d'acquérir quoi? La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas toucher par tes œuvres la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le réel ou la réelle cause de ton entrée au paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tes œuvres ont touché la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il y a au paradis vaut bien mieux que tout ce que l'on fait dans notre vie comme adoration. Ce qu'on fait réellement, ce n'est pas suffisant. On a énormément de manquements dans nos adorations. Et on ne pourrait pas, même si on vivait des siècles, arriver donc réellement, c'est-à-dire au niveau réel, de quoi d'arriver, c'est-à-dire en vérité, à avoir ce qu'on a comme récompense dans ce paradis. Mais en réalité, c'est vraiment la récompense, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'entrer dans ce paradis. Donc le paradis a déjà été créé. C'est pour ça qu'on voit « Ouaddat lil muttaqin » qui a été déjà préparé. « Ouaddat » donc c'est un mardi, c'est un passé. Le verbe il est au passé. Pour qui? Pour ceux qui craignent. « Ouaddat » donc ce verbe prouve qu'il a déjà été créé. De même pour l'enfer. Et tout ce qui s'y trouve est différent de ce que l'on voit dans la vie d'ici-bas, même s'il y a une alliance, même s'il y a donc un rapport avec les noms. Ce sont les mêmes noms. Le lait, l'eau, le vin, le miel, les divans, et là, des arbres, les animaux. Mais simplement, tout y est différent. Donc, vous connaissez les sens, hein, donc la vue, l'ouïe, le toucher, la khili. Donc, dans tous les sens, hein, donc les sens, tous les sens seront différents. Ça ne sera pas la même vue. Donc, ça sera autre chose par rapport à la vue. Ça sera autre chose par rapport au toucher. Ça sera autre chose par rapport au son. Ça sera autre chose par rapport à tout. Donc, bien sûr, tout cela est différent. Et personne, donc, d'ici-bas, ne peut s'imaginer, même si tu t'es forcé à vouloir imaginer, sache que tu vas te tromper. N'essaie pas de fermer les yeux et penser. Ça ne servira à rien parce que tu ne vas pas arriver à cela. Parce que ma khatala ala qalbi bashar. Donc cela n'a même pas traversé le cœur donc, de l'humain. La croyance et la mise en application sont des conditions requises afin d'y accéder par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Vous voyez ici le premier mot que l'on retrouve dans le Coran. C'est-à-dire le premier mot où l'on retrouve dans le Coran, le paradis, c'est donc le verset 82 de la sourate Al-Baqarah. Et il a trait à quoi? Il a rapport avec « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Et ont mis en application. Donc ils croient. On avait dit que c'était al-ilm, al-nafi, al-nafi, wal-amal al-salih. Donc ceux qui ont cru ont accompli de bonnes œuvres, ce sont eux les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Donc, Walladine Amanou, ceux qui ont cru. Ils ont cru en quoi? Donc, ils ont cru en l'invisible, en ce qu'ils n'ont pas vu. Et c'est pour cela que cette croyance est mentionnée en premier dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première description des croyants dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le début de sourate al-Baqarah, Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin. Donc et après alladhina yu'minuna bil-ghayb, alladhina yu'minuna bil-ghayb. Alif lam mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Maintenant, c'est comme s'il y avait deux points ouvrés, guillemets, mais qui sont les pieux? Ceux qui croient en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Et cette croyance donc, consiste à croire aux six piliers de la foi, mentionnés dans le célèbre hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam. Hein? Al-iman billah, an tu'mina billah, wal-iman yani. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc le fait de croire aux six piliers de la foi qui ont été mentionnés dans le fameux hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, qui a donc pour cause ce hadith, justement la venue de certaines personnes de Bagdad qui sont venues voir donc d'Irak, des gens d'Irak qui sont venus voir donc le fils de Omar ibn Khattab Abdullah, en mentionnant ici des gens qui apprennent la science, talabat al-ilm, des gens qui ont de la science. Ils apprennent le Coran, ils apprennent la Sunna. Mais simplement, ils ont un problème dans un sujet. C'est le sujet de la croyance en Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire dans la croyance en Allah Azza wa Jalla, dans la croyance à quoi? Au destin. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît l'avenir qu'une fois que cela est arrivé. Comme nous. Ça c'est comme nous. Une fois que ça arrive, on connaît. Mais 5 minutes avant, même 3 secondes avant, on ne savait pas ce qu'elle est arrivée. Mais une fois que c'est arrivé face à nous, on sait ce que c'est. Donc on a vu. Ils ont dit ça. C'est-à-dire Abru Unuf, en français, en arabe. Et là, Abdallah ibn Omar a dit qu'il était innocent d'eux. Ils sont innocents de lui, il est innocent d'eux. Donc il se désavoue d'eux jusqu'à ce qu'ils croient. Jusqu'à ce qu'ils croient, car ils ont eu un défaut. Ils ont eu un manquement, une mauvaise croyance face à juste... Donc une partie, c'est-à-dire d'un pilier, et regardez, ils ne sont plus croyants. Car la croyance est l'origine, la croyance en l'invisible est l'origine, donc ici, est la base de la croyance. Et la croyance, elle est au nombre de 6. Mais vous n'allez jamais retrouver dans le Coran les 6 rassemblés ensemble. On retrouvera toujours les 5, sauf Al-Imal bi, Al-Qadar, Khairihi wa Sharrihi. On ne retrouve pas ici le destin. On ne retrouve que ce qui est réellement de l'invisible. Hein, face à la croyance, et le destin, c'est par rapport à ce qu'il y a. Parce que le destin, tu vas le voir. Mais tu dois y croire que ça provient de la part d'Allah Azza wa Jalla, qu'il soit beau, qu'il soit mauvais. C'est pour ça que l'imam al-Muqayyim, rahimahullah, ainsi que l'imam Sa'di, lorsqu'il parle de Al-Usul al-Iman dans le Coran, ils disent Al-Usul al-Khamsa. Alors les gens ne pourraient pas comprendre pourquoi on mentionne 6 piliers et là on mentionne 5 piliers. C'est parce qu'on ne retrouve pas les 6 piliers mentionnés ensemble dans le Coran. On retrouve une fois dans le Coran le pilier de la foi, une seule fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, séparé. Mais les 5 sont mentionnés ensemble. Les 5 ici, ils sont donc mentionnés ensemble. Et on retrouve ça dans Surat al-Baqarah, verset 177. « Laisa al-birra an tuwallu qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billah » وَالْيُمْ الْآخِرِ وَالْمَلَيْكَ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيِّينَ. Et on ne retrouve pas le qadar. On retrouve ici les 5. Et dans d'autres versets, c'est la même chose. On retrouve ici les 5. Donc la bonté pieuse ne consiste pas à tourner donc vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc il est mentionné dans ce verset, comme j'ai dit auparavant, donc 5. Et pas 6.